Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon Parade, c'est une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches, à partir de 8h, à partir de 9h, pour une heure d'accordéon, 100% musette sur la bande FM. El viva el toro! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Oh, Après Pierre Péribois qui vient de nous interpréter un passodoble et Édouard Duneux qui vient de nous jouer à l'instant Indifférence, eh bien on va écouter France Salle qui nous dit que l'accordéon, eh bien c'est la fête aux musettes le dimanche. Venez danser, c'est la fête aux musettes, au petit bal de la guinguette. Dans toutes les rues, il y a de l'accordéon qui vous emboîte le beau plan-plan. Allez, venez, c'est la fête aujourd'hui, avec mes jolis petits amis. Prenez cette belle chanson sur un petit air d'accordéon. Venez danser, c'est la fête aux musettes, au petit bal de la guinguette. Dans toutes les rues, il y a de l'accordéon, et vous en boirez le beau flon-flon. Allez, venez, c'est la fête aujourd'hui, avec de jolis petits amis. Prenez cette belle chanson, sur un petit air d'accordéon. l'accordéon, le tambourin, les castagnettes. Quoi de plus chaud pour étourdir toutes les têtes? Bande par deux, les couples pris par le tempo. Pas redoublé, marche collée, peau contre peau. Et la cymbale, la caisse claire et la trompette. Vibre ton cœur, un même élan, union parfaite. Et l'on peut voir que les amours fortissimo dans tout le bal se multiplient grâce au basso, basso, basso, basso doble, basso, basso, basso noble. Toute l'Espagne nous étreint, sa musique fait tant de bien. Basso, basso, basso doble, basso, basso, basso noble. Son chant s'élève, noble et fier, de Cartagène à Santander. Passo, passo, passo noble. Passo, passo, passo noble. Son chant s'élève, noble et fier, de Cartagène à Santander. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme tous les dimanches, sur votre sympathique radio, Michel vous propose Accordéon Parade. Un plateau d'accordéonistes. Heures, 9h-10h, 100% musette. Après Pierre-André, eh bien c'est Tony Meller qui nous interprète un passo doble. Thank you. Merci à Art Van Damme qui vient de nous interpréter un air de sa composition. Art Van Damme est un sympathique accordéoniste qui nous a quitté une dizaine d'années et c'était un Américain. Et maintenant, nous allons sur les flots du Danube. Thank you. Moi qui aime la vie, moi qui aime la fête, j'aimerais aujourd'hui vous confier ma recette. Un petit peu de labeur et beaucoup d'entrain. À présent, accrochez le bras de vos voisins. Un petit peu de gaieté, beaucoup de bonne humeur. Maintenant, balancez et chantez tous en cœur. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, la voilà ma recette. Ça se chante, ça balance, ça vous met dans l'ambiance. Ça chasse les soucis, ça fait peur aux ennuis. Si comme moi vous voulez tuer la morosité, à coups de balancer et ensemble reprenez. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, la voilà. Bien chanter et danser cette chanson consacrée aux joies et l'amitié. Vous êtes bien entraînés, je dirais même surdoués. Restez bien accrochés, on va accélérer. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et Accordéon Parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant. Pour les amoureux du piano à bretelles. Tous les dimanches, entre 9h et 10h, émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et c'est Michel qui vous propose et qui vous présente l'émission. On continue Accordéon Parade avec un sympathique jeune homme qui nous vient du Massif Central, c'est Alexis Hervé. Thank you. la fraiseuse aux baloches, je suis resté le maître. L'œil vif, les mains dans les poches, sympa, râleur quand même. Toujours partant pour l'ambiance, je reste au Baluzette. Quel que soit le coin de France, le pote des jours de fête. Here's a song I learned at the Carnival of Venice long time ago, and then my dad heard it, and he's Norwegian. Et après Alexis Hervy, on va écouter un sympathique jeune homme qui nous vient de la Floride. C'est Miron Floren. Mexico about 2 months ago, and a little boy come up and he says, "That's a Mexican song, Mi sombrero de tres esquillos." Et là, il est en train de nous expliquer son morceau. On comprend pas bien, c'est de l'américain. Merci à ce sympathique jeune homme de nous avoir emmenés au carnaval de Venise. We'll be right back. Merci. Merci à ce sympathique jeune homme, à Cyril Renaud, qui vient nous interpréter une polka montagnarde. Et on continue avec Ludovic Beyer, qui nous interprète un merveilleux tango. Thank you. Merci aux accordéonistes jurassiens qui viennent nous interpréter cette merveilleuse valse. Et maintenant, c'est Monsieur Louis Ferrari à l'accordéon et pour un paso doble. Merci à Loulou, à Louis Ferrari qui vient nous interpréter un merveilleux passe-double. Et je vous rappelle qu'Accordéon Parade, eh bien c'est 100% musette sur la bande FM. C'est tous les dimanches de 9h à 10h. Rediffusé le mardi à partir de 10h. Et c'est 100% musette. Et on va continuer Accordéon Parade avec, avec Freddy Balta qui va nous parler de notes avec son accordéon. Thank you. chères tyroliennes qui chantaient dans les disques d'autrefois. Quelques notes qui s'égrènent comme hier sur mon harmonica. Tu m'as donné pour tes montagnes un amour qui chante encore sous mes doigts. C'est du soleil, du champagne, ça fait tourner les têtes parfois. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Voilà, accordéon parade se termine avec un sympathique accordoniste qui nous vient d'Écosse, Jimmy Sang. Je vous rappelle qu'on va se retrouver mardi pour Noël, bien sûr, pour une émission d'accordéon parade, pour la rediffusion de l'émission. Ceci dit, je vous souhaite de passer un bon et joyeux Noël avec plein de bonheur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Passez un bon dimanche, une bonne semaine à Triolet, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Accordéon Parade. Bon dimanche, bonne semaine, et bye bye, à bientôt! Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Mademoiselle, monsieur, bonjour, vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et en même temps, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Comment allez-vous, auditeurs, auditrices de Sorgia FM, ça va? Ah non, non, non, Michel est de bonne humeur aujourd'hui. Les souliers sont dans la cheminée. Et

mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Et oui, ce beau sapin de Noël a bien été cueilli, enfin été coupé dans le Jura. Alors voilà, c'est Noël qui commence. En parlant de Noël, je suis rentré chez vous, là, tranquillement, et je vous ai fait peur. Et oui, vous ne m'avez pas dit, je vous ai fait peur. Vous êtes en train de déjeuner, et puis de prendre de la confiture sur la tartine. Et puis, je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez renversé le pot. Je m'en excuse, mais c'est quand même bon, une bonne tartine de confiture. Et puis, les frères Jacques vont nous le dire, tiens. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Contrôler sa tartine, la tenir droite exactement, on la met en bouche, elle s'incline, ça coule irrémédiablement, et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts, ça ricoche et puis ça retombe. Côté collant, ça va de soi. On tente de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge, plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère, c'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière, de retour on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère, pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit au reste à la rhubarbe, on la gurgite goulûment. La confiture, on l'achète pas, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on est bien en place, on mène la vie de château, dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui dégouille, car on le redouble sur les mains, qui passe par les trous de la tarique. Ça sert à rien, c'est à l'heure. tout le temps les couilles. Ça coule, ça coule, ça coule. Eh bien, un grand merci à Benny qui vient de nous interpréter une tyrolienne. En parlant de tyrolienne, on a frappé à la porte du studio et qui c'est qui est arrivé? Eh bien, le Père Noël. Il m'a dit, Michel, je suis parti pour faire ma tournée, alors je viens vous trouver. Vous avez des souliers tout propres, il paraît, alors je vais remplir vos souliers. Alors, surpris, j'étais surpris. Et oui, et le Père Noël est venu avec une grande valise. Oh, ça, c'est vraiment sympathique. Alors, merci. Allez, on va pas le citer, mais merci à Fanfan, le Père Noël, qui nous a amené quelque chose de bon. Merci, Fanfan. Et Lulu, bien sûr, pour votre gentillesse et votre générosité. Ça, c'est tous les Noëls que vous êtes là, que vous faites le Père Noël. Et puis, en parlant de Père Noël, eh ben moi, quand j'étais jeune, j'ai vu maman qui a embrassé le Père Noël. C'est Noël, et comme chaque année, Pierrot a des joujoux plein sa cheminée. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret à son nounours qu'il aime. Il murmure, si tu savais. Moi, j'ai vu petite maman hier soir d'embrasser le Père Noël. Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi. Mais sans en avoir l'air, j'avais mes deux yeux entrouverts. Aussi, papa était venu à passer. Je me demande ce qu'il aurait pensé. Aurait-il trouvé naturel, parce qu'il descend du ciel, que maman embrasse le Père Noël. Quand j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël, j'ai bien cherché pourquoi et j'ai deviné, je crois. C'est parce qu'il m'avait apporté de si beaux jouets. Aussi, pour l'an prochain, j'ai bon espoir qu'il viendra encore à mon appel. Et de nouveau, je ferai semblant de dormir profondément. Si maman embrasse le Père Noël. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête, et ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, je suis vers la conquête, je suis aimée et je puis m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même se jeter par la fenêtre. Oh, oh, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. La première fois qu'il m'a pris sa tendresse, il me fit peur tant il roula des yeux. Et puis ce temps-là, s'il me fait une caresse, j'emporte la marque et j'ai les bras tout bleus. À ces transports, souvent je me dérobe, car en amour, je sais que cet être-là va me déchirer mon manteau et ma robe. Oh, oh, oh, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il m'enlève, pas moyen que je m'échappe, il me serre si fort que j'en perds la respiration. Quand sur ma joue, il pose une petite tape, ça fait tout de suite comme une fluxion. S'il me prend les mains, je sais qu'il va les tordre. S'il me pince le doigt, je sais qu'il l'écrasera. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Oh, oh, oh, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il veut bien me mener à la promenade, c'est dans des chemins déserts et poussiéreux. S'il passe du monde, elle devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne à la rue pour voir comme Raoul me gifle en me disant tout bas, je te fais la peau si tu regardes un autre homme. Oh, oh, oh, oh, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Eh bien oui, quand on vous aime comme ça, c'est une merveilleuse chanson. De la belle époque de la chanson. Et maintenant, une petite dédicace. On m'a demandé pour ce dimanche, et Henriette qui a demandé pour Janine, en lui souhaitant un joyeux anniversaire. 89 printemps, la Janine. Alors Janine, on vous souhaite un bon anniversaire, un joyeux Noël, et puis plein, plein de bonnes choses. Alors, pour vous, toute seule, eh bien, on va écouter un air d'accordéon, une valse musette. Louis Ferrari, bon anniversaire à vous, Janine. Et c'est de la part d'Henriette. Thank you. Quand les corps se confondent, comme est le monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bas de musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes et qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, c'est en celle qu'on aime dans ses bras. On lui murmure dans un frisson en écoutant chanter l'accordéon. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en s'insère quand on la danse les yeux dans les yeux. Au rythme joyeux, quand nos corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer si fort. Pourquoi ? Pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses et même que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Oh, rythme joyeux, quand le cœur se confond, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit papa Et oui, c'est Noël. Et puis, Petit Papa Noël, c'est Eddie Constantine qui a interprété cette chanson avec sa fille Tania. Je vous rappelle que nous sommes Noël et puis que le Père Noël a passé. Je pense que vous en avez plein les souliers. Michel en a plein les souliers encore ce jour. Alors, tout va bien. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite à vous, auditrices, auditeurs de son GFM, de joyeuses fêtes de Noël, plein, plein de bonheur. Pour vous, auditrices, auditeurs de Sorgia FM. Porque eres muy buena, y es por eso que te quiero. Y yo sé que tú me quieres, me lo has dicho tantas veces. Soy feliz contigo y estoy muy enamorado, pero tengo mucho miedo que algún día me dejes, que vuelvas tan sola como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. ¡Órale, muchachos! ¡Ay, su mariachi me enseña seca! ¡Ay, al contraataque, ándale! ¡Ay! Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos, me parece estar soñando al besar tus labios rojos. Cuando estoy contigo, me gusta estar esté mirando, porque tienes una cara tan linda, mi vida, y con esa sonrisa eres un amor. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Eh bien oui, vous êtes bien sur les 91-91 MHz de Sorgia FM qui vous souhaite à vos auditrices, auditeurs de Sorgia FM, une joyeuse fête de Noël 2018. Et maintenant, nous allons écouter un monologue de 1927. Et ce monologue a lancé Marie Dubas, grande chanteuse réaliste à l'époque, qui va nous interpréter la Charlotte Prix Notre-Dame. Et vous allez voir, de 1927 à nos jours, eh bien, je crois que rien, mais absolument rien n'a changé. Ça va même encore pire qu'avant. Alors, écoutez Marie Dubas qui va vous interpréter la Charlotte prie Notre-Dame. C'est une prostituée qui fait une prière à Notre-Dame. Gardez-moi ça, cette espèce de bande de fourneaux. Ça vous bouscule, ça vous demanderait seulement pas pardon. Pardon, Fauchemann, purée. Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur, personne n'y fera attention. Ah, tenez yeux, tenez, c'est la Saint-Poivron. Ah, tout chahute, tout flambe, tout reluit. Les restaurants, les bistrots, ils ont la permission de la nuit. Tout chacun pense qu'il y a croustillé. Il y a plein de monde dans les rôtisseries, les épicemars, les charcuteries. Est-ce que ça sent bon le boudin grillé? Jésus est né. Dans les temps quand il s'est amené, s'il gelait comme il gèle cette nuit, de la paille de votre écurie, vous avez rien dû avoir friot, Jésus et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue, où depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis une ordure, une fille perdue. C'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâchée qu'une fille d'amour pleine de péché vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères? N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâchée? Allez, bing, là, on me bouscule avec des litres, des pains de 4 litres, des assiettes d'huit. Mais regardez-moi cette espèce de chameau! Oh, pardon, excuse, Vierge Marie. Que j'ai cordé ma vie d'amour. C'est vrai que j'ai quitté de chez nous, mais c'était que la dèche et les coups. C'était un vrai enfer, Sainte Vierge. Et sois dit, sans être une effrontée, vous-même, y seriez pas restée. Eh ben, c'est pas des boniments, c'est vrai, je vous le jure, Vierge Marie. Malgré comme ça que j'ai fait la vie, j'ai pensé à vous bien souvent. Je revois votre belle robe bleue, votre voile, même qu'il était piqué d'étoiles, votre belle couronne d'or sur la tête, votre petit trésor sur les bras. Eh bien, si vous vouliez, Sainte Vierge, faire ce soir quelque chose pour moi, pour le temps que je n'étais pas une impie, vous n'avez qu'à lever le petit doigt et pas vous occuper du reste. Oh, je vous demande pas des choses pas honnêtes. Faites seulement que je trouve et ramasse un porte-monnaie avec galette, perdu par un de ces mufs qui passe. À moi plutôt qu'au balayeur. Ou alors, si vous voulez pas, vous pouvez pas, Vierge Marie, vous allez me trouver bien hardi. Alors faites-moi tout de suite sauter le pas et puis emmenez-moi avec vous. Prenez-moi dans le paradis où ce qui fait chaud, ce qui fait doux, où plus jamais je ferai la vie. Oh oui, emmenez-moi, dites, emmenez-moi avant que la nuit soit passée, que je sois encore ramassée. Emmenez-moi, dites, je vous en prie. J'en peux plus de grelotter. Mais, allumez mes malheurs, mes désouliers de couvert. J'ai toujours mon costume d'été que j'ai fait teindre en noir pour l'hiver. Oh oui, oh oui, emmenez-moi, dites, emmenez-moi. Et comme il doit y avoir du chemin, si des fois vous vous sentiez là, Vierge Marie pleine de grâce, de porter à bras notre Seigneur, un enfant c'est lourd à la fin, vous me le repasserez un moment, et puis moi je le porterai à mon tour, sans laisser tomber par terre, comme je faisais chez mes parents, la petite maman dans les faubourgs, quand je trimballais mes petits frères. Vierge Marie pleine de grâce, vous qui êtes bénie entre toutes les femmes, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Merci à Marie Dubois qui vient de nous interpréter Dubois, qui vient de nous interpréter ce merveilleux monologue, la Vierge Marie. Et eh bien, on va continuer, puisque Georges Brassens a apporté ses sabots pour mettre sous la cheminée. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.